Chapitre 14e. Clouteau est parti. Après de longues fatigues, de longues souffrances, de cruelles privations, la troupe de l'illustre Perpignan avait fini par gagner Paris. Tout le long du chemin, c'était Paulette qui, par son travail d'équilibre, plus que la belle bourbonnaise par ses romances, avait fait vivre le personnel, avait gagné l'argent dont on payait son morceau de pain à elle, parfois un peu de charcuterie et surtout l'eau-de-vie du couple. La belle bourbonnaise, à vrai dire, quand au cours de la route, l'illustre Perpignan parvenait à chiper dans les champs des pommes de terre, des légumes, daignait apprêter un plat quelconque. Enfin, tant bien que mal, la troupe avait fini par atteindre la capitale. Perpignan trouva autour des fortifications un confrère de Bohème qui, dans sa roulotte, lui donna l'hospitalité provisoirement, à condition que Chiffon le seconderait dans ses représentations. L'illustre Perpignan était autrefois rasé, comme il convient à tout artiste véritable. Depuis sa sortie de prison, il avait laissé pousser sa moustache. Et sa moustache, drue, épaisse, fournie, lui coupait terriblement la figure sans masquer sa bouche en cœur. L'illustre Perpignan avait ainsi une physionomie toute différente, qui lui permettait de répondre à peu près aux signalements mentionnés sur des papiers qu'il avait su se procurer et qui ne ressemblaient en rien aux signalements du grand et brillant artiste qu'il était autrefois. Certain de ne pas être reconnu par des agents, car le séjour de Paris lui était interdit, il put honorer la ville lumière de sa présence et se mettre en quête de son ancien complice Clouteau, dit le comte de Saint-Rion. Ce ne fut pas sans peine qu'il obtint l'adresse du comte. Là, une grande désillusion l'attendait. Le comte était parti depuis plusieurs jours, on ne savait pour quelle destination, et on ne pouvait dire la date de son retour. L'illustre bouche en cœur pensa défaillir en apprenant cela. « Je viens d'assez loin, il aura pu m'attendre, mais nous le repincerons. » Navré, désolé, il revint à la roulotte de son camarade. À son air déconfit et furieux, la belle bourbonnaise comprit que l'affaire n'avait pas réussi. Elle s'arrangea pour pouvoir entraîner son époux à l'écart et lui parler en secret, afin de ne pas éveiller les soupçons, la curiosité de leur hôte. « Qu'est-ce qu'il y a ? » lui demanda-t-elle vivement. « Clouteau a levé le pied. Pas moyen de savoir où il est, ni quand il rentrera. » La belle bourbonnaise ressentit le même choc que bouche en cœur. Cependant, moins facilement que lui, elle perdait la tête. « Bon, » dit-elle, se ressaisissant, « dans ce cas, nous n'avons plus rien à faire ici. Inutile de demeurer plus longtemps chez ces gens-là. Nous allons partir, quitter Paris qui sent mauvais pour nous. Où aller ? Nous le verrons une fois en chemin. Tu ne veux pas que nous nous remettions à courir après Monsieur le comte de Saint-Rion à travers la France ? Non, mais nous l'attendrons au bon endroit, pour tomber sur lui à coup sûr. » Si on attend 100 ans. La belle bourbonnaise ne voulut pas entamer de discussion avec son illustre époux. Elle savait qu'en fait, il faisait tout ce qu'elle voulait, après avoir commencé par regimber. Cette fois encore, il en fut ainsi. Le lendemain, sans lui demander d'autres explications, Mouche en cœur s'attelait à la voiture à bras. Conduit par sa femme, il quittait les fortifications de Paris et gagnait la campagne du côté de Saint-Germain. Il faisait froid, la neige tombait silencieuse et douce, mais incessamment. Une aubergiste compatissant permit au saltimbanque de loger dans une remise à Otto, vide en cette saison. Il leur envoya même, ayant pitié de Chiffon, de quoi faire leur popote, du bœuf, des légumes, du charbon. Et il eut la complaisance de leur permettre de donner une représentation dans sa salle. Ils récoltèrent ainsi quelques francs. Pendant 2 ou 3 jours, ils demeurèrent chez ce charitable aubergiste. Puis, ayant encore donné une représentation qui fut un peu plus fructueuse, la neige ayant cessé de tomber, après avoir récolté d'âmes charitables quelques provisions qu'on remettait à Chiffon, ils se lancèrent de nouveau sur le grand chemin. Maintenant, Bouche en cœur tirait fortement sur les courroies de la voiture à bras, car il avait un but nouveau. C'était encore une idée de Zélie. Et Zélie, femme remarquable, n'avait que de bonnes idées, des idées de génie. La veille, pendant que le malheureux Chiffon, grelottant sur la paille dans la remise, avait fini par s'endormir, la belle bourbonnaise avait dit à son illustre époux « À mon avis, tous ces départs du comte, c'est de la frime. »« De la frime, parfaitement. Je crois, et je suis sûr de ne pas me tromper, que le Clouteau, malin comme il est, ne quitte pas la poule aux œufs d'or, qui est la mère de l'enfant, la mère de Paulette, qui possède une grande fortune aussi, et Clouteau, devenu le comte de Saint-Rion, ne doit pas vouloir abandonner celle qui devait être la comtesse de Saint-Rion. Possible. Je pense que pendant qu'on le croit dans le midi, au diable ou ailleurs, notre Clotot tout bonnement se tient auprès de la jeune femme. Tu as peut-être raison. Il lui fait sa cour, joue son rôle, ne la laisse pas échapper. Parbleu, c'est bien dans son genre, galant, beau parleur. Or, la jeune femme se trouve dans une ferme voisine de celle qui a été brûlée, au Ravenel. Bon, nous allons, nous autres, nous poster dans les environs, dans les bois. Pas commode à cette saison, le froid, la neige, nous trouverons bien un abri. Quand ce ne serait que dans le fameux pavillon de chasse. Ah non, non, protesta Bouche en cœur. J'aime mieux autre chose. Nous trouverons. L'important est de nous tenir sur le chemin des Ravenel, de surveiller Clotot et de l'happer au passage. Cette idée en valait bien une autre. Elle sourit immédiatement à Bouche en cœur. Il tirait fort sa voiture pour arriver plus vite sur le chemin des Ravenel, qu'il connaissait bien à présent, l'ayant parcouru entre les gardes. Le passage devant le calvaire, sous le théâtre du crime, lui fut, à vrai dire, quelque peu désagréable. Pourtant il se raidit, et passa en jetant seulement un coup d'œil de travers. Mais il surgit ainsi des scènes imprévues, d'un dramatique aussi simple que puissant. Chiffon poussait derrière la voiture à bras. En apercevant le calvaire qui, tout noir, comme en deuil, sur le fond blanc de neige, étendait ses bras, Chiffon s'écria « Oh, une croix, je vais faire ma prière !» Quittant la voiture qu'elle aidait à tirer, elle courut se mettre à genoux sur les marges de pierre. Et les genoux de l'enfant se posèrent là, où le braconnier Gervais avait appuyé la tête du père mourant. Le père, assassiné par cet homme qui paraissait farouche et plein d'angoisse. Et cet homme n'osait pas rappeler la petite qui priait à mi-voix, la fille de sa victime.